Ceci est une lecture de Christiane Johann pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY-NC ND 2.0 FR. Décembre de Louis-Honoré Fréchette. Le givre étincelant, sur les carreaux gelés, dessine des milliers d'arabesques informes. Le fleuve roule au loin des banquises énormes. De fauves tourbillons passent échevelés. Sur la crête des monts, par l'ouragan pelé, de gros nuages lourds heurtent leurs flancs difformes. Les sapins sont tout blancs de neige et, les vieux ormes dressent dans le ciel gris leurs grands bras désolés. Des hivers boréaux, tous les sombres ministres montrent à l'horizon leurs figures sinistres. Le froid darde sur nous son aiguillon cruel. Évitons à tout prix ces farouches colères et, dans l'intimité, narguant les vents populaires, réchauffons-nous autour de l'arbre de Noël. 1878. Illustration musicale avec l'aimable autorisation de Pascal Krieg. Musique « Libère-toi » de Pascal Krieg, édité par Musique Libre CC. www.musiquelibre-cc.fr. Distribué sous licence Creative Commons BY-NC-ND.